C'était à la une. Le Gaulois, 21 février 1880. Gustave Flaubert et les procès littéraires. Un jeune poète, de grand talent et de grand avenir, M. Guy de Maupassant, avait publié, il y a 4 ans, dans La République des Lettres, une revue aujourd'hui disparue, une nouvelle en vers intitulée « Au bord de l'eau ». Tout récemment, une petite revue de province, « L'abeille des tempes », reproduisit « Au bord de l'eau ». Ce qui était inoffensif à Paris fut jugé abominable à Étampes, et le parquet de cette bonne ville poursuivit le journal et l'auteur comme prévenu d'outrage aux mœurs et à la morale publique. Nous nous sommes rendus auprès de M. de Maupassant, qui a bien voulu nous communiquer une lettre que M. Gustave Flaubert venait de lui écrire. Cloissé, 19 février 1880. Mon cher bonhomme, c'est donc vrai. J'avais cru d'abord à une farce, mais non. Je m'incline. Eh bien, ils sont jolis à Étampes. Allons-nous relever de tous les tribunaux du territoire français, les colonies y comprises ? Prévenu pour outrage aux mœurs et à la morale publique, deux aimables synonymes qui font deux chefs d'accusation. Moi, j'avais à mon compte un troisième outrage, et à la morale religieuse, quand j'ai comparu devant la 8e chambre avec Madame Bovary. Procès qui m'a fait une réclame gigantesque, et à laquelle j'attribue les 3/4 de mon succès. Qu'on vous poursuive pour un article politique, soit, bien que je défie tous les parquets de m'en démontrer l'utilité pratique. Mais pour des vers, pour de la littérature, non, c'est trop fort. Ils vont te répondre que ta poésie a des tendances obscènes. Avec la théorie des tendances, on peut faire guillotiner un mouton pour avoir rêvé de la viande. Il faudrait s'entendre définitivement sur cette question de la moralité dans l'État. Ce qui est beau et moral, voilà tout et rien de plus. La poésie, comme le soleil, met de l'or sur le fumier. Tant pis pour ceux qui ne le voient pas. Tu as traité un lieu comme un parfaitement et tu mérites des éloges au lieu de mériter l'amende et la prison. Tout l'esprit d'un auteur, dit La Bruyère, consiste à bien définir et à bien peindre. Tu as bien défini et bien peint. Que veut-on de plus ? Mais le sujet, objectera Prudhomme, le sujet, monsieur. Deux amants, une lessivière, le bord de l'eau. Il fallait prendre le ton badin, traiter cela plus délicatement, plus finement, stigmatiser en passant avec une pointe d'élégance et faire intervenir à la fin un vénérable ecclésiastique ou un bon docteur débitant une conférence sur les dangers de l'amour. En un mot, votre histoire pousse à la conjonction des sexes. Ah, d'abord, ça n'y pousse pas. Et quand cela serait ? Par ce temps de goûts anormaux, il n'est pas mal de prêcher le culte de la femme. Tes pauvres amants ne commettent même pas un adultère. Ils sont libres l'un et l'autre, sans engagement envers personne. J'en suffoque d'indignation. Plus que jamais, je crois à la haine inconsciente du style. Quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis. Premièrement, le public, parce que le style le contraint à penser, l'oblige à un travail, et deuxièmement, le gouvernement. Parce qu'il sent en vous une force et que le pouvoir n'aime pas un autre pouvoir. Les gouvernements ont beau changer, monarchie, empire ou république, peu importe. L'esthétique officielle ne change pas. De par la vertu de leur place, ces agents ont le monopole du goût. Et tu t'assoiras, mon petit, sur le banc des voleurs, et tu entendras un particulier lire tes vers, non sans faute de prosodie, et les relire en appuyant sur certains mots auxquels il donnera un sens perfide. Pendant que ton avocat te fera signe de te contenir, un mot pourrait te perdre, tu sentiras derrière toi vaguement toute la gendarmerie, toute l'armée, toute la force publique, pesant sur ton cerveau d'un poids incalculable. Alors il te montrera au cœur une haine que tu ne soupçonnes pas, avec des projets de vengeance, de suite arrêtés par l'orgueil. Mais encore une fois, ce n'est pas possible. Tu ne seras pas poursuivi, tu ne seras pas condamné. Il y a malentendu, erreur, je ne sais quoi. Le garde des Sceaux va intervenir. On n'est plus au beau jour de Monsieur de Villèle. Cependant, qui sait, la terre a des limites, mais la bêtise humaine est infinie. Je t'embrasse, ton vieux Gustave Flaubert.